Vous écoutez La Sphère, édition du 29 mars 2014. Ici Mathieu Dugal, vous écoutez La Sphère. Aujourd'hui à l'émission Campagne électorale, ce numérique dont on ne parle pas. La mythologie derrière la réalité virtuelle et bienvenue dans le merveilleux monde du tapis intelligent. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Ici Radio-Canada, première dans cette revue hebdo du merveilleux monde de la culture numérique. Et encore une fois, aujourd'hui, ce sont des padawans bien au poste. Véronique Raymond, Martin Lessard et Fabien Lozac. Bonjour. Bonjour à vous trois et re-bienvenue. C'est toujours un plaisir de partager le micro pendant une heure avec vous ici. Chaque semaine, on a des invités de choix aujourd'hui. Ben oui, c'est dommage parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Et pourtant, vous vous en rendez compte si vous écoutez l'émission régulièrement. Ici, le numérique est vraiment de plus en plus partout. Même si vous ne l'écoutez pas, bien, il est là pareil. Et on n'en parle pas tant que ça. Le Québec n'a pas de plan numérique. Les données ouvertes, est-ce que sont si disponibles que ça? On a deux invités avec qui on va discuter de ça plus tard. Et on aura également aussi à l'émission une journaliste qu'on aime bien ici lire. C'est Émilie Folie-Boivin qui écrit dans les pages de l'actualité et du Devoir. Et elle va venir nous présenter ses FF. Et vous allez découvrir de très, très beaux sites web avec elle tout à l'heure. Et pour commencer, et on va commencer en parlant de gros clout, Véronique Raymond, Clout, qui est cette application qui permet de mesurer son influence, bien, c'est la grosse vente. Là. 200 millions de dollars prix de vente cette semaine. Effectivement. Alors, bon, c'est la mode de mesurer son rendement. Mm-hmm. On mesure tout. On a ce petit indicateur qui s'appelle Clout qui permet de savoir est-ce qu'on a ou pas de l'influence dans le monde numérique. Bon, est-ce que ça fonctionne vraiment? J'ai des doutes et je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques. Oui, il y a beaucoup de sceptiques face à ça. Oui, autant autour de la table qu'un peu partout, parce qu'en fait, les variables qui sont mesurées sont relativement faciles à gonfler. Combien de gens vous suivent? Évidemment, on regarde également leur influence à eux, mais bon, enfin... C'est un algorithme avec de calcul. Une grosse pincée de sel. Mais je me permettrai quand même de dire que vous avez un très gros clout, cher Mathieu. Beaucoup plus gros que nous tous ici réunis. Alors, cette semaine, Lithium... En publiant les affaires de NASA. C'est clair. Et en vous... Oui, oui, absolument. Ça marche, la NASA, c'est un truc. Vous publiez des contenus très intéressants. Ne vous sous-estimez pas. Votre chèque est dans la poste. Alors, donc, c'est Lithium qui a acheté Clout. Lithium, c'est une entreprise qui s'occupe de... qui travaille avec les entreprises et qui les aide à améliorer leurs relations avec leur clientèle. Donc, l'idée, c'est d'arrimer ensemble les entreprises et les consommateurs mm-hmm. en trouvant ces espèces de traits d'union-là qui ont une influence. Donc, si vous, Mathieu, dites que vous aimez, par exemple, les BD, il est possible que ce soit possible de vendre plus de BD parce que vous êtes une personne mm-hmm. avec un clout important qui influence. C'est le pari de Lithium, c'est d'essayer d'arrimer donc des marques avec des gens qui peuvent influencer d'autres personnes sur les médias sociaux par la conversation. Mm-hmm. Voilà. Et, mais c'est une grosse transaction, c'est surprenant. En tout cas, dans mon livre, à moi, c'est surprenant. 200 millions de dollars. Je n'aurais pas signé le chèque. Mais oui, non, c'est ça. Puis je pense qu'aucun d'entre nous l'aurait fait de toute façon. Mais est-ce que ça vaut vraiment ça? Parce qu'on parle, nous, ici, souvent des ventes là, extraordinaires là, qui se déroulent à chaque semaine. C'est vraiment à chaque semaine dans le monde des nouvelles technologies. Martin Lessard, votre analyse là-dessus, est-ce que 200 millions, là, c'est cher ou c'est pas cher? C'est toujours une valeur perçue. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, on peut percevoir... Clout a quand même été la référence, même si on pouvait en douter un tout petit peu. C'est la référence parce que ça nous aide à savoir quand quelqu'un nous envoie des messages. On se dit, est-ce qu'il est important ou pas? Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que je dois remonter ça à mon patron pour lui dire, il se passe une mm-hmm. crise? Et on regarde son clout et s'il a 10, on se dit, OK, on va attendre un peu. Mais s'il a 90, on va peut-être réagir. Donc, dans ce sens-là, il avait une utilité pour huiler mm-hmm. un peu la confiance dans le réseau. Dans ce sens-là, il avait une valeur. Est-ce que ça vaut 200 millions? Bien, il y a du monde qui l'ont payé. Bien, Ce billet à cours légal, comme c'est écrit sur les pièces. Merci beaucoup, Véronique. Fabien Lozac, ben, ça, c'est une compagnie qui s'est vendue beaucoup plus que ça. En fait, c'est 10 fois plus. C'était la petite bière, là, 200 millions. 2 milliards de dollars pour des lunettes de réalité virtuelle. Exactement. C'est Facebook qui a annoncé mardi qu'elle a acheté l'entreprise Oculus VR pour 2 milliards de dollars. Oculus VR, ça développe un casque de réalité virtuelle qu'on appelle l'Oculus Rift. Retenez ce nom-là, vous allez en entendre parler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, qu'on a eu la chance de tester. South by Southwest. Vous avez essayé ça, Fabien, puis vous n'en êtes pas revenu encore. Je suis tombé en bas de ma chaise. Et pour la petite histoire, le premier prototype d'Oculus a été construit en 2012, il n'y a même pas deux ans, dans un garage par Palmer Luckey, qui est un jeune Californien de 19 ans, passionné de réalité virtuelle. On est encore une fois dans la mystique américaine de la Silicon Valley, du jeune Américain qui bricole dans son garage, qui réinvente le monde. On pense à Hewlett-Packard, dont le garage est devenu un musée. On pense à Steve Jobs, à Steve Wozniak, qui ont construit le Apple dans leur garage. Et Palmer Luckey, lui, il a eu la brillante idée de placer deux écrans LCD dans un casque de ski, d'y ajouter deux petites lentilles pour créer une image stéréoscopique. Et puis, il a ajouté ensuite des détecteurs de mouvement, ce qui crée vitalement une sensation d'immersion tout à fait optimale. Et d'ailleurs, Fabien, paraît que l'inventeur de la Oculus Rift s'est rendu malade avec ses propres lunettes. Il y a un des personnes dans le développement qui a eu des problèmes, parce qu'il y a des problèmes à cause de l'oreille interne, vu qu'on est complètement immergé. Et donc, à ce qui paraît, les nouvelles versions sont vraiment beaucoup plus au point. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lancé leur produit sur Kickstarter il y a un an, et ils demandaient à peine 250 000 $. Et finalement, le projet a tellement suscité d'intérêt qu'ils l'ont vendu 2,5 millions. Ils ont réussi à aller chercher 2,5 millions $. Mais là, donc, les gens qui ont financé ça, ils sont pas contents. Il y a certaines personnes qui se sentent un peu lésées. Ils se disent, on a financé un projet, finalement, le projet a été vendu à Facebook. Et puis aussi, les questions se posent, qu'est-ce que Facebook va faire avec ça? C'est pas leur terrain de jeu, finalement, le jeu vidéo, parce que l'Oculus Rift est destiné aux jeux vidéo. Est-ce que Facebook, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent de la publicité. Oui, mais là, on parle de toutes sortes d'applications là, parce qu'on parle des applications dans le monde de l'ingénierie, même la biochimie, développer des molécules, les voir en 3D, se promener dedans. Mais cela dit, The Verge, cette semaine, l'éditeur de The Verge a publié un texte très intéressant. En fait, c'est une espèce de nouvelle de science-fiction où il imaginait ce à quoi pourraient ressembler les réseaux sociaux dans 5 ans. Ce serait cru dans du K. Dick. Oui, c'est du Philip K. Dick. Et ça pourrait aussi les aider, non? Dans le fait de C'est une vision à long terme, peut-être. Ils se mettent, quelque part, en train de prévoir des coups durs au cas, tout d'un coup, leur plateforme ou les réseaux sociaux vont un peu moins bien. Bien, ils ont quand même une patte, là, quelque part, dans un autre territoire qui pourrait peut-être marcher à l'avenir. Quand on compare, quelque part, le cloud, qui était le summum des réseaux sociaux, vendu 200 millions, et là, on a de la réalité augmentée ou virtuelle à 2 milliards, bien, ça donne une indication de la promesse du futur. L'immersif. Suivez l'argent. Suivez l'argent, l'immersif, ça s'en met là. Suivez l'argent. Bien, on va la suivre, nous, de toute façon. On la suit pour vous à chaque semaine. Rapidement, Martin, ça, c'est les Jeux olympiques viennent tout juste de se terminer. On a des Jeux... on dit que les athlètes, souvent, de plus en plus, il y a du design biochimique qui les aide un peu. Mais là, on va créer des Jeux olympiques carrément pour des machines. Mais en fait, pour des personnes handicapées, équipées de machines ou plutôt de protèges technologiques, ça s'appelle Cibathlon, le championnat des para-athlètes robot-assistés. C'est comme ça qu'il s'annonce. C'est pour 2016 en Suisse. Les courses seront en vedette, donc des courses où les coureurs ou les pilotes, je ne sais plus comment on peut les appeler, seront équipés de prothèses ou d'exosquelettes ou même de fauteuils roulants high-tech. Donc, c'est un peu comme des cyborgs, finalement. Mm-hmm. Donc, il y aura même des événements entièrement informatisés où il y aura des opposants avatars contrôlés par le cerveau qui vont comme se battre dans un monde virtuel. Donc, effectivement, c'est un peu le jeu olympique que vous venez des cyborgs. De dire, là? Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est un genre de... Ils vont... Avec les ondes... Mathieu, si vous écoutez La Sphère depuis longtemps, vous voyez très bien, vous entendez très bien qu'on peut contrôler des machines à travers le cerveau, même si c'est encore Je voulais vous l'entendre redire, parce que 2016... j'entends nos auditeurs, là, ils se disent, ben voyons, donc ça se peut pas. La femme bionique est vraiment vintage. 6 millions de dollars, c'est ça qui valait l'homme bionique. Bon, ben voilà, on va le voir dans deux ans, on va voir qu'est-ce que ça donne vraiment comme concours. Cibathlon, Cibathlon. Mettez ça dans votre prochaine compétition de Scrabble, vous allez faire bien des points avec ça également. Merci Martin. Ça fait plaisir. Il y a tellement de chemises qui se déchirent dans cette campagne électorale-là qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de compagnies, de boutiques de linge qui devraient être extrêmement heureuses. Il faut renouveler le stock. On déchire pas beaucoup sa chemise, cependant, dans le monde numérique. En fait, pour les enjeux numériques, je sais pas si vous l'avez vu ou lu, ou pas vu ou pas lu, parce qu'on n'en parle pas tant que ça, et pourtant, ça nous entoure de plus en plus. On va avoir un petit spécial campagne électorale numérique aujourd'hui à l'émission. Et on commence avec Fabienne Rodriguez, qui est président de Facile. Et on va parler de ces enjeux-là qui sont quand même assez absents et pourquoi ils le sont et pourquoi ils ne devraient peut-être, ils devraient pas l'être tant que ça. Bonjour Fabienne Rodriguez. Bonjour Mathieu, ça va bien? Ça va très bien, merci. Facile, qu'est-ce que c'est? Facile, en fait, c'est une organisation sans but lucratif qui a été fondée il y a 10 ans. Mm-hmm. Et donc, le mandat principal de Facile, c'est vraiment de travailler pour l'adoption, la démocratisation et l'usage des logiciels libres. Mm-hmm. Donc, il y a 10 ans, le contexte était vraiment, et le focus, c'était vraiment les logiciels libres. Aujourd'hui, on sait que ça couvre un peu plus large, donc l'informatique, les TI, la culture, le savoir, les licences libres. Donc vous faites la défense de ces logiciels-là. Pourquoi est-ce que vous pensez que le logiciel libre peut aider la société? Bon, écoutez, c'est vraiment une question de gros bon sens et surtout une question éthique. Donc, on sait que l'informatique est partout autour de nous, non seulement dans nos ordinateurs. Maintenant, on traîne dans notre poche. Qui ici a un téléphone intelligent dans la salle? On est pas mal tous équipés. Ouais. C'est pas le cas partout au monde. Cependant, on sait que ces appareils-là, à toute fin pratique, c'est des ordinateurs à fonctions multiples. Mm-hmm. Ils ont un clavier, un écran. On peut stocker de l'information, d'ailleurs beaucoup d'informations dessus. Ils sont maintenant connectés en permanence au réseau. Donc, la technologie nous entoure et façonne notre vie. C'est un peu ironique de penser qu'on peut ignorer cette influence-là et ce contrôle-là que la technologie a sur nos vies plus en plus. Mais pourquoi vous dites que le logiciel libre pourrait nous aider justement à vivre mieux notre rapport au numérique chez Facile? Je dirais vivre mieux, c'est peut-être une autre question, mais surtout éviter la perte de contrôle d'une part des données qu'on a sur nos appareils. Donc, l'exemple du téléphone numérique touche les gens parce qu'on sait qu'on met des photos, les rendez-vous, le carnet d'adresses. Mais d'autre part aussi, garder le contrôle sur la technologie elle-même. Donc, quand on parle, par exemple, des appareils médicaux qui peuvent faire l'objet de failles de sécurité, et donc on peut carrément arrêter des appareils critiques dans un hôpital, on est loin d'avoir ce contrôle-là. Et puis, bon, avant ça, il y a le contrôle d'infrastructures critiques comme le réseau électrique, qui de plus en plus dépend d'installations automatisées, informatisées et qui sont sur Internet. Donc, c'est vraiment quelque chose de très large. Mais il y a beaucoup de logiciels. On sait que le gouvernement québécois fonctionne notamment avec des logiciels qu'il achète à des grosses compagnies. Microsoft, pour ne pas la nommer, c'est un de ses fournisseurs. Vous dites que le logiciel libre pourrait coûter moins cher aux contribuables. Oui, ça, c'est une façon d'aborder la question. Cependant, c'est un piège. Quand on parle uniquement de l'argent ou des licences, on sait cette semaine, Microsoft a annoncé qu'il donnait Microsoft Office aux utilisateurs d'Android et iPad et iOS. Mm-hmm. Et donc, ces compagnies-là, essentiellement, ont des moyens illimités. Ils n'ont aucune limite à ce qu'ils peuvent donner à leurs clients. Et ils font déjà. Donc, Microsoft, au niveau mondial, donne déjà toutes ses licences de logiciels pour les auditeurs qui ne savaient pas. Essayez de ne pas engorger leur serveur aujourd'hui. Mais dans toutes les universités, collèges, institutions éducatives, professeurs, enseignants, etc., en Amérique du Nord au moins, et dans d'autres pays, il y a le même programme, on peut avoir accès totalement gratuitement à leur logiciel. Bon. Et donc ça, c'est le phénomène de la première dose. Oui. Hein? On sait que quand on essaie de vendre de la drogue puis de rendre quelqu'un dépendant, on donne la première dose, le reste, ça vient avec. Oui, c'est ça. Et donc, vous dites, on nous habitue à ça, et là, après ça, on peut nous vendre tout ce qui va avec. Donc, la question de sauver de l'argent, c'est pas central, mais on en sauverait quand même beaucoup. Là. Il y a des chiffres qui parlent de plusieurs milliards de dollars. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous, chez Facile? Oui, absolument. Puis moi, ça me brise le cœur personnellement. Moi, je suis père de 4 enfants. Ma femme est professeure en maternelle. Et on en discute souvent à la maison, les problèmes au niveau de sous-financement des écoles. Bon, dernièrement, dans la campagne, il était question des moisissures pendant un des débats. Et je me disais, bien, les moisissures, c'est pas le problème. Le problème, c'est que l'argent va ailleurs. Mm-hmm. Et puis oui, c'est une façon très simple de rejoindre ce vocabulaire-là. Tout le monde le comprend. Oui. Mets une pièce là, deux pièces vont sortir là, ou mets deux pièces là, puis tu ne reverras plus ton deux pièces. Donc, il faudrait... Oui, absolument, c'est ça. Et donc, se sortir des logiciels des grosses compagnies, on pourrait sauver énormément d'argent, mais vous dites que c'est plus qu'une question d'argent parce qu'on devient, en fait, responsable des programmes. On peut les adapter comme bon nous semble. Absolument. Et on est plus capable de les adapter à ce qu'on veut faire. Autrefois, par exemple, la langue, c'était un problème important. On ne pouvait pas avoir des logiciels en français. La seule et unique raison pour laquelle on a des logiciels non libres en français aujourd'hui, c'est que c'est un segment commercial intéressant. Aller dans un autre pays, aller en Haïti, par exemple, le créole, est-ce qu'il y a une version de Windows en créole? Pourquoi? Et se poser la question, c'est un peu y répondre. Alors que LibreOffice, par exemple, une suite bureautique tout à fait compatible et qui peut remplacer Microsoft Office, il y a déjà du travail qui se fait pour avoir un dictionnaire en créole. Il y a une Wikipédia en créole. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont capables de payer pour ça ou est-ce que c'est rentable? On s'en fout. Oui. C'est vraiment une question d'éthique, de savoir local, de compétences locales, d'emplois locaux. Donc, c'est vraiment là la question. Ces compagnies-là ont aussi des lobbyistes. Est-ce que vous pensez que le fait que le numérique est si absent et justement qu'on n'en parle pas du tout, ça a à voir avec ça aussi? Oui, c'est clair. Je l'ai dit tout à l'heure, là, ils ont des moyens illimités. Moi, je n'ai pas ces moyens-là. Mm-hmm. Je suis ici aujourd'hui, samedi, avec vous. Je ne suis pas payé par un gros lobby pour dire les bonnes affaires aux bonnes personnes. Avez-vous été invité ailleurs pour parler du numérique dans la campagne? Non, pas de tournoi de golf, pas d'enveloppe brune, rien de ça. Donc, c'est clair qu'on se bat à armes inégales. Oui, oui. Cependant, bien, on a un petit peu cette... ce rêve-là, puis cette pensée magique-là, que le gros bon sens l'emporte éventuellement. Puis quand on dit, je lisais par exemple quelque chose là, récemment au sujet des éléphants blancs dans la pièce, bien, il commence à être gros cet éléphant-là. Oui, oui, c'est ça. Très difficile d'éviter ce sujet-là. On est entouré de technologie. Avez-vous des interlocuteurs parmi les partis? Oui, absolument. Bien, écoutez, il y a quelques membres et sympathisants de Facile qui sont rendus assez vieux pour voter. Hein? Oui, effectivement. Donc, il y en a qui s'impliquent en politique. Il y en a qui sont au sein des partis, qui aident à mettre l'attention un petit peu plus sur les enjeux numériques. Mais c'est très difficile. Au niveau des interlocuteurs, ça part tout le temps de nos membres et sympathisants. Là où on a un dialogue direct avec les partis, c'est à travers des campagnes comme le Pacte du logiciel libre, à travers des initiatives comme le Manifeste du logiciel libre, le Manifeste pour un Québec ouvert. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. On a Jonathan Brun, qui est cofondateur de Québec ouvert, là, avec qui on va discuter de ça. Oui, et je vous dirais un autre endroit où on a des interlocuteurs au gouvernement, c'est lors de la création d'initiatives comme le Centre d'expertise en logiciel libre au Québec. Donc, on a beaucoup d'alliés. Oui. Cependant, c'est toujours des initiatives. Pour nous, c'est trop peu, trop tard. Bien, écoutez, moi, j'ai un petit truc. Là, je ne suis pas du tout publicitaire, mais il me semble, là, si vous mettez là, l'accent sur les milliards qu'on pourrait sauver, là, ça serait un très bon début. Puis je pense que vous auriez beaucoup d'oreilles très, très intéressées de la part des électeurs. En tout cas, on va faire notre possible pour que ça se transmette aux bonnes personnes. Oui. Et oui, rappelons donc que vous êtes président de Facile, qui militait donc pour une plus grande intégration du logiciel libre, pas seulement dans nos vies, mais dans celles des organisations c'est clair. Nous représentent. Clairement, on invite les parents, les citoyens, en fait, à ne pas abdiquer à leur devoir de citoyenneté numérique. C'est un devoir global. On est au Québec, mais on se rend compte que nos leaders politiques ont abandonné leur leadership numérique. On n'a pas de leadership numérique. C'est de ça qu'on a besoin. En tant que citoyen, vous nous écoutez chez vous. La prochaine chose qu'il faut faire, c'est aller à vos conseils d'arrondissement, aller à la commission scolaire, rencontrer les professeurs, les directeurs d'école. C'est à nous que revient cette responsabilité-là. Puis quand on voit quelqu'un qui abandonne cette responsabilité-là, il faut aussi le rappeler. Parce que c'est juste du bon. On contrôle ses données, on contrôle ses logiciels, puis on sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, des milliards. Alors quand même, il faut le redire. Fabien Rodriguez, vous êtes président donc de Facile. Merci beaucoup d'être passé ici à l'émission. Merci, Mathieu. Est-ce que la technologie pourrait nous aider à augmenter le pourcentage de participants participation lors des élections. On sait que ce n'est pas toujours très reluisant, ça. Martin Lessard, c'est ce à quoi vous vous êtes arrimé cette semaine. Est-ce que c'est la panacée, la techno? Bien, en fait, c'est que on part tous de l'idée que si on est capable de faire des check-ins sur Foursquare, de faire des j'aime sur Facebook, de tweeter sur Twitter, tout ça en marchant, mais qu'on ne peut pas voter... Pourquoi la technologie, elle devrait le permettre. Mm-hmm. Mais en fait, les problèmes ne sont pas juste techniques, ils sont aussi sociaux puis organisationnels. Puis je me suis intéressé au système de vote électronique et en particulier des votes par Internet. En quoi que c'est compliqué ou simple? C'est quoi les avantages? C'est quoi les désavantages? Donc, il y a trois grandes familles. On va passer rapidement. Il y a les urnes électroniques pour compter les bulletins de vote. Il y a les terminaux de votation. Mais aujourd'hui, vous vous intéressez particulièrement au vote par Internet. Oui, parce que les urnes électroniques ou les terminaux de votation, c'est au fond, c'est se rendre encore dans un lieu. Ouais, puis au fond, au lieu d'une boîte en carton, c'est une boîte électronique. Est-ce qu'on peut voter avec Snapchat? C'est un peu non, ça, là. Non, c'est pas aussi simple. En fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi qu'on en parle, c'est que du point de vue de l'électeur, effectivement, on peut le voter, c'est super simple. C'est comme liker une photo de chat, de chat sur Facebook, mais on peut même le faire en pyjama sans se déplacer. Donc, l'idée de ne pas se déplacer est séduisant. En pratique, c'est peut-être moins pour du monde qui peuvent se déplacer que plus pour du monde qui aura des handicaps, qui, eux, ne peuvent pas se déplacer. Et là, dans ce sens-là, c'est vraiment génial pour eux de enfin voter sans devoir se déplacer. Ouais, mais cela dit, là, je pense qu'on n'a même pas besoin d'avoir un si gros handicap que ça parce qu'il y a des gens qui restent à côté des bureaux de vote puis ils ne se déplacent pas plus. L'appel du sofa est souvent plus c'est effectivement séduisant, on va les dire partisans comme ça. Du vote par Internet pensent que ça augmenterait le taux de participation chez les 18-30 ans, mais les études n'ont pas vraiment démontré pour l'instant qu'il y a un effet instantané, en tout cas du taux de participation. L'effet ne se voit que sur une longue période. On répète l'expérience plusieurs fois, puis là, ça monte un tout petit peu. Puis en Estonie, par exemple, ça fait 10 ans, c'est rendu à peine 15 %. Donc, ça vous donne une Qu'est-ce idée. Qu'est-ce que vous voulez dire, ça fait 10 ans? Ça fait 10 ans qu'ils ont le vote électronique, eux. Par Internet? Par Internet, effectivement. Il y a juste une augmentation de 15 %. Fait, donc, ça monte chaque fois, mais ça ne monte pas si vite qu'on pourrait imaginer. C'est pas la pilule magique. Non, effectivement. Ouais. Mais il y a quand même des failles là-dedans. Il faut faire attention. On sait qu'à partir du moment où on parle de technologie, on peut rentrer, le hacker arrive assez rapidement. Évidemment, là. On parle donc d'ordinateur, donc les problèmes de virus informatique ou même de serveur, donc une attaque en déni de service. Vous savez, quand on surcharge un serveur de requêtes pour empêcher de répondre, Mathieu, vous imaginez le bordel que ça va faire si tout le monde essaie de voter en même temps que des hackers qui essaient de faire un déni de service au serveur. Ça veut dire quoi par rapport aux élections? Donc, c'est un peu cette peur-là qu'on a. Mais une des solutions possibles, c'est de revenir encore à des urnes électroniques où on se déplace, on voit un ordinateur qui se trouve dans un gymnase. Et là, on vote. Là, avec les étudiants ontariens qui viendraient voter dans ce gymnase. Oui, c'est ça. On ne rentrera pas là-dedans, s'il vous plaît, Fabien. En fait, c'est une partie, effectivement, du problème. Mais je pense qu'il y a moyen de sécuriser. Donc, c'est l'informatique a trouvé des manières de court-circuiter ces problèmes-là. Mais il reste quand même la fraude. C'est-à-dire qu'on entend toutes les semaines qu'il y a des banques de données qui sont pillées par des hackers. Donc, on pourrait se faire voler nos noms et nos mots de passe. C'est aussi le problème de l'identité de l'authenticité de l'électeur. Ouais. Est-ce qu'il est bien la personne qu'il dit qu'il prétend être? Et c'est un peu pourquoi au Québec, la Direction générale des élections ne croit pas qu'on peut encore en ce moment assurer, en tout cas, l'identité des électeurs. Oui, mais cela dit, on est capable de faire des transferts bancaires, on a des applications, nos institutions financières. Même Véronique, vous nous disiez il y a quelques semaines qu'on pouvait même prendre des photos de ces chèques qu'on reçoit et les transférer dans notre compte et déposer. Comment ça se fait que les élections... que le système électoral n'est pas rendu là? Est-ce qu'ils sont en retard? Non, pas du tout. C'est que le problème n'est pas vraiment technologique. C'est qu'au fond, comme par exemple la fraude, c'est que comment je fais pour être sûr que c'est vraiment vous qui est l'autre bord de l'écran qui appuie sur le bouton « Je vote pour à gauche ou à droite ». Si il peut y avoir une coercition avec un isoloir, on peut savoir que c'est bien vous qui rentrez, qui votez tout seul. Mais je pourrais, moi, être chez vous puis vous forcer à voter à gauche ou à droite. Je pourrais aussi... Quelqu'un pourrait dire « Je ne sais pas pour qui voter. Je m'en vais sur Kijiji et je vends mon vote. » Comment on fait pour se protéger de tout ça. Donc, c'est un problème plus sociétal que technologique en soi. Ouais. Et on a parlé tout à l'heure du logiciel libre avec Fabienne Rodriguez. Est-ce que le logiciel libre pourrait nous aider là-dedans? Bien, a priori, oui. L'avantage théorique, c'est que son code est ouvert. Tout le monde pourrait vérifier le code pour s'assurer qu'il n'y a pas un code malicieux dedans. Mais en ce moment, ce que j'ai pu voir, en tout cas, c'est les codes propriétaires sont majoritairement utilisés pour ce genre de système de vote. Donc c'est pas vraiment ouvert au libre qu'il y a le problème. C'est de s'assurer que avons-nous confiance au code? Oui, mais cela dit, si le code est ouvert et que les gens peuvent le vérifier, ça permet de faire des, d'avoir plusieurs gens qui vont aller s'assurer que le logiciel fonctionne. A priori, ça devrait être comme ça, mais c'est juste qu'on a peut-être plus confiance en quelqu'un qui s'assure que le code est... Parce que le problème, c'est pas le code lui-même, parce que le programmer, on peut voir le code, mais quand on va le compiler en langage machine, je peux insérer un code malicieux. Mm-hmm. Et même quand je vais lire le code, bon, je pourrais insérer du code malicieux. Ce que vous dites, c'est qu'il y a des dangers, mais est-ce qu'on peut penser raisonnablement que dans un avenir, en fait, nous, on va connaître, là, c'est comme quelques années, peut-être une dizaine d'années, on va se retrouver avec du vote électronique ici au Québec? Je m'inquiète un tout petit peu. Je pense que ça prendre plus de temps qu'on peut penser. Ailleurs, il y a des essais, mais quand on a peut-être prouvé ailleurs qu'il n'y a pas de fraude à grande échelle, peut-être, mais j'ai un peu de doute, ouais. Ouais. Est-ce qu'on veut vraiment que le taux de vote augmente aussi? Ça, c'est une autre question. Mais ce n'est pas à vous qu'il faut la poser. Vous n'êtes pas la personne pour ça. C'était très intéressant, ce Martin. Mais là, donc, vous dites qu'en Estonie, ça marche. Hein? Oui, il y a déjà des endroits. Une dizaine d'années, là, mais ça n'a pas vraiment augmenté tant que ça. On pense que ça peut sauver des coûts aussi. Puis ce n'est pas vrai parce que ça se fait en parallèle du système traditionnel. Donc, au fond, ça augmente les coûts et ça n'augmente pas nécessairement la participation tant que ça. Oui, c'est d'autres questions. Fort intéressant, tout ça. Merci beaucoup, Martin Lessard. Avec plaisir. Jonathan Brun, vous êtes cofondateur de Québec ouvert. Bonjour. Bonjour. Les données ouvertes au Québec, on en parle de plus en plus, mais on n'en parle pas dans la campagne, cela dit. Qu'est-ce que c'est une donnée ouverte? Les données ouvertes, il faut penser surtout à des bases de données d'informations au lieu des fichiers PDF. Donc, le gouvernement publie beaucoup de documents en fichiers PDF sur les divers sites web. Les données ouvertes, c'est la publication de l'information dans une base de données centralisée qui est accessible à tout le monde et qu'on peut utiliser, reprendre, mettre dans les applications iPhone, des sites web pour encourager les gens à consulter de l'information gouvernementale et rendre les services publics plus accessibles. Et vous dites chez Québec ouvert qu'il y aurait plus de démocratie, on serait en mesure de plus savoir qu'est-ce que nos organisations font si elles publiaient leurs données. Ben, il faut déjà se demander c'est quoi la démocratie. Est-ce qu'on peut avoir une démocratie si on n'a pas accès à l'information de base, donc les contrats octroyés, les services offerts par le gouvernement, les budgets des différents organismes. Alors, si on n'a pas accès aux informations de base à propos de notre société, à propos de notre gouvernement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on habite dans une démocratie? Parce qu'on peut avoir un dialogue avec un élu. Si l'élu a accès à de l'information et puis nous, on n'a pas accès à cette même information. Bon, bien sûr, on exclut de l'information qui touche la vie privée des gens, mais l'information à propos du fonctionnement du gouvernement, des décisions qui sont prises de notre part, via nos élus, si on n'a pas accès à cette information, on ne vit pas véritablement dans une démocratie. C'est quoi l'état des données ouvertes actuellement au Québec? Votre rire, j'aime pas votre rire, mais c'est pareil. Malheureusement, c'est un peu triste. La ville de Montréal, maintenant, avec le nouveau maire, M. Coderre, vient de mettre sur pied un bureau de ville, de ville intelligente qui va pousser beaucoup les données ouvertes. Et on est très optimiste au niveau de la ville de Montréal. Au gouvernement du Québec, le portail des données ouvertes a été lancé il y a à peu près 2 ans par M. Gautrin, qui était élu libéral. Henri-François Gautrin à Verdun. Ouais. Ensuite, M. Drainville a rajouté quelques informations sur ce portail avec son bureau, le ministre péquiste. Réponse courte, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup moins d'informations publiques et accessibles comparées à d'autres provinces comme l'Ontario ou la Colombie-Britannique ou des États américains ou encore d'autres pays. Donc, le Québec est très, très en arrière en matière de transparence. Ah oui, on est vraiment à la queue là, des États qui... On n'est même pas sur la liste. Ah, c'est vrai? C'est vraiment triste parce qu'avec tous les problèmes de corruption qu'on voit avec la Commission Charbonneau, les données ouvertes, la transparence, c'est un outil pour lutter contre cette corruption. Il n'y a pas de solution magique, mais ça va aider. Si tous les contrats octroyés, les appels d'offres, les dépassements de coûts, les contracteurs étaient publics, on peut imaginer qu'il y aurait peut-être un peu moins de fraude. Ouais, puis peut-être que la commission Charbonneau aurait duré moins longtemps. Ben, la commission Charbonneau, ils viennent à nos événements qu'on organise pour nous consulter, pour éventuellement mettre sur pied quelque chose, des recommandations pour que le gouvernement mette sur pied plus de transparence. C'est quand même fort, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Fabienne Rodriguez. On sauverait avec les logiciels libres des milliards de dollars. On serait plus en contrôle des logiciels qu'on utilise. La question des données ouvertes, on peut possiblement penser qu'on sauverait aussi énormément d'argent. Et pourtant, c'est absent du discours électoral. À quoi vous attribuez ça, vous? Ben, il y a une certaine, parmi le leadership politique, on peut dire qu'il y a une certaine analphabétisme numérique. Ils ne comprennent pas d'une manière générale le numérique. Des fois, c'est une question générationnelle, des fois, c'est une question de s'ils ont été dans la politique pendant 40 ans. Des fois, ils n'ont pas trop touché au numérique. Alors, il y a cet élément-là. C'est un euphémisme, oui. Ouais. Alors... mais c'est pas seulement une question d'argent, puis je pense que Fabien a raison de pas dire que c'est simplement pour économiser de l'argent. Mais même, c'est ce qui... Les électeurs, ils aiment ça, là. Hein? Ben, les électeurs aiment ça. Quelques partis aiment ça, les électeurs de l'autre parti ont d'autres préférences. Oui, c'est ça, mais je veux dire, quand c'est un bon hameçon pour accrocher, là, oui, en campagne publicitaire, là, on va chercher beaucoup de monde avec ça. Je vous garantis, avec les données ouvertes ou avec les logiciels libres, on va économiser de l'argent, des milliards de dollars. Mais la question, c'est on a besoin de cette information vraiment pour alimenter une démocratie. Et si on n'a pas l'information, si le gouvernement est secret et on n'a pas accès à l'information, on n'est pas vraiment dans une démocratie. Et nos votes, est-ce que nos votes comptent? Parce que si on vote pour quelqu'un, puis ensuite, eux, ils font ce qu'ils veulent, parce qu'on ne peut pas vérifier l'information, il faut se poser des questions un peu plus profondes que simplement économiser de l'argent. Qui sont vos interlocuteurs dans les partis? Premièrement, en avez-vous? Est-ce qu'il y a une certaine sensibilité oui, de la part de ces gens-là? Oui. Avec le gouvernement de M. Charest, c'était surtout Henri-François Gautrin. Qui s'en va, d'ailleurs. Qui s'en va. Et avec le gouvernement qu'on vient d'avoir, c'était surtout M. Drainville, qui était ministre des institutions démocratiques et de l'engagement citoyen. Il y avait d'autres dossiers, mettons. Là. C'était pas oui, j'ai entendu qu'il y avait un autre projet à côté. Là. J'ai vu quelques manchettes passer. M. Drainville a compris les données ouvertes. Je pense que M. Drainville et M. Bureau-Bloin également, c'était les deux péquistes, si on peut dire, qui ont vraiment compris les données ouvertes, qui l'ont poussé à l'intérieur de leur gouvernement. Mais bon, en 18 mois, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Ouais. Mais c'est certain que le leadership, dont Mme Marois, n'a jamais parlé de données ouvertes, n'a jamais parlé de transparence, n'a absolument rien fait en 18 mois pour augmenter la transparence du gouvernement du Québec. Croyez-vous que ça va changer avec le temps, que là, dans le fond, justement, vous dites, là, il y a un changement de génération. C'est sûr que des gens qui ont commencé à faire de la politique dans les années 70, là, peut-être que la question des données ouvertes, ça ne veut pas dire grand-chose. Là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Est-ce qu'il va y avoir plus de sensibilité, vous pensez? Il faut espérer. Mais M. Bureau-Bloin, qui est probablement un des députés le plus jeune au Québec, est très au courant des données ouvertes. Il pousse ça à l'intérieur de l'organisme, à l'intérieur du parti politique. Mais sans leadership politique, ça ne va pas bouger. On voit ça avec M. Coderre au niveau de Montréal. Le maire a pris ça en charge. Il a dit, on va aller vers la transparence, vers les données ouvertes. Il vient de publier la semaine dernière tous les bons d'achat de la ville de Montréal. Non, ça, c'est immense. C'est tous les achats que la ville de Montréal fait auprès des fournisseurs. Et Obama ou Cameron, président Obama aux États-Unis ou premier ministre David Cameron au Royaume-Uni ont écrit des politiques en disant qu'il faut libérer toute information qui ne touche pas la vie privée des citoyens. Alors, il faut avoir un niveau de leadership comme ça au Québec, et on l'a pas encore. Rapidement, en terminant, Jonathan Brun, est-ce que... Là, c'est bien beau d'avoir plein de belles données, là, puis d'avoir des bases incroyables. C'est assez compliqué à aller miner, là, aller chercher l'information là-dedans. Ça va prendre quand même de la main-d'œuvre pour aller chercher ça. C'est pas gagné, même si les données sont libérées. Là. Absolument, c'est ça. Il faut des journalistes qui utilisent ces données. Déjà, on le voit au Québec avec la presse, le Journal de Montréal, qui utilisent des données fournies par le gouvernement. Des citoyens, mais la société civile, les organismes sans but lucratif... Mais aussi, les entreprises vont se former autour de ces données. Il y a plusieurs entreprises à Montréal et au Canada qui commencent à se former sur les données ouvertes des différents gouvernements. Jonathan Brun, j'ai le goût de vous le dire et je pense que je vais parler au nom de tout le monde ici. Là, lâchez pas. Oui. Vraiment, là, continuez votre travail. C'est vraiment très, très intéressant de vous entendre parler de ça. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'organisme Québec ouvert qui milite donc pour une plus grande transparence de nos organisations via la libéralisation des données. Merci beaucoup d'être passé ici à l'émission. Merci. Bon, là, on va respirer un peu, on va digérer toute cette information-là qui est très lourde et on va discuter de pratiques sur les réseaux sociaux avec la journaliste Émilie Folie-Boivin, qui est journaliste au Devoir. Elle est également sur le blog de l'actualité. C'est toujours un plaisir de la lire et de la recevoir ici à l'émission pour la première fois. Bonjour, Émilie. Bonjour, Mathieu. Très bon article, d'ailleurs, hier. Je vous invite à aller le lire. Elle a fait un article sur tous ces sites de fausses nouvelles qui pullulent de plus en plus. C'était vraiment fort savoureux. Vous aimez ça, vous, les fausses nouvelles? J'adore ça. Vraiment, je ne lirai que ça, même si c'est pas très pertinent dans le quotidien, mais j'aime beaucoup ça, la satire. Qu'est-ce que la journaliste aime dans la fausse nouvelle? Je parlais du navet dans cet article-là. Ce que j'aime, par exemple, d'eux, c'est qu'ils sont capables de mettre la main sur quelque chose. Quand on lit des articles, les journalistes sont quand même des marottes. Une manière de parler. Exactement. Ils sont capables de mettre le doigt sur notre quotidien, sur des trucs, des nouvelles, des apportées de façon très subtile. Oui, d'ailleurs, le navet, si vous ne le connaissez pas déjà encore, ce site, allez-y, lenavet.ca, c'est vraiment fort intéressant. On vous invite au Comptez Bon, on parle de vos pratiques sur les nouveaux médias. Oui. Vous êtes tombé comment, vous, dans les réseaux sociaux? Tout naturellement, c'est rentré dans ma pratique. J'utilise surtout Facebook davantage que Twitter. C'est plus Facebook que Twitter, oui. Oui, parce que sur Twitter, j'observe beaucoup, je suis des médias, des personnalités publiques et tout. Tandis que Facebook, ce que j'aime là-dedans, c'est que je suis ma tante, mes cousines, des amis du Lac-Saint-Jean, des gens que je ne connais pas vraiment, des gens de mon entourage. Alors, c'est vraiment, j'ai l'impression d'entendre ce à quoi les gens pensent et ce qui les fait triper au jour le jour. Et vous êtes une grande consommatrice de sites, on va dire, de sites nono. Votre signet niaiserie est assez garni. Oui. C'est quoi, là? C'est pour vous relaxer là, de l'information carrée là, qui est votre métier? Pas tout, en fait. C'est que quand je suis sur Facebook, je clique sur plein d'articles, puis il y a toujours plein de choses qui attirent mon attention, des trucs très peu pertinent à des trucs que je trouve sur BuzzFeed, des trucs comme ça, et qui se ramassent là-dedans. Je peux avoir un bloc de souliers là-dedans. C'est juste parce que les photos sont belles, parce que ça vient pas me chercher. J'ai 4 paires de souliers à la maison. Mais des nouvelles de Paris Hilton, un site, par exemple, où tu peux péter des bulles quand on commande des colis. On reçoit du papier bulle, alors on peut péter du papier bulle virtuellement. C'est des choses qui m'amusent beaucoup. Coudon, c'est la portion le lundi de la sphère, ça. Émilie Follet-Boivin, j'ai 4 paires de souliers à la maison. On se croirait vraiment les grandes confidences. Effectivement. Et donc, on vous demande de faire des FF à chaque semaine, les invités qui viennent au Comptez Bon. Et vous m'avez fait, dans votre rubrique, justement, niaiserie, vous nous avez sorti quelque chose de fort intéressant. Ça s'appelle Mr. Daily Face sur Instagram. Et ça c'est pas des visages, disons, qu'on pourrait s'attendre à voir. Non, pas du tout. En fait, c'est un photographe qui se promène dans la rue comme ça et qui voit des visages dans plein de choses, dans la glace, dans des coussins bien agencés chez IKEA, des trucs comme ça. J'adore ce site-là sur Instagram. Je suis beaucoup de personnalités, de célébrités. Fait qu'entre une photo de Madonna en brassière et de Miley Cyrus en bobette, j'aime bien voir un bonhomme sourire dans des dumplings. Ça me relaxe. Votre fil de réseaux sociaux est extraordinaire, Émilie. Je rappelle que vous travaillez au Devoir et à l'Actualité, juste pour vous donner un peu de contenance. Votre deuxième, Mr. Dailyface, donc @MrDailyface sur Instagram, si vous êtes évidemment membre de ce très beau réseau de photos. Deuxième, Arte Radio. Oui. Et qu'il y a des belles choses là-dessus. C'est magique. Ouais, j'aime tellement ce site-là. Là-dessus, on retrouve des podcasts, des capsules audio. Il y a de la fiction, des reportages, des témoignages. Quand j'écoute ça, ça me relaxe. De un, j'apprends plein de choses en marchant. Et parce qu'on, par exemple, on peut apprendre. Il n'y a pas de narration. Alors, c'est vraiment. Il y a souvent des reportages, oui, sans narration. Hein. C'est ça. Alors, par exemple, on peut pendant 20 minutes plonger dans l'univers de sourds et muets qui écoutent la télévision. Comment ils écoutent ça? Donc, ils parlent de leur façon de comprendre la télévision sans son. Ils ne sont pas trop muets, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, par exemple, des concours de Miss Taille Forte, c'est quelque chose que je ne vis pas dans le quotidien. Alors, vraiment, Arte Radio m'amène ailleurs, disons. Il me fait voyager. Les concours de Miss Taille Forte. Super! J'adore ça. On continue. Ça, c'est un autre beau site. Facebook.com Humans of New York. Si vous aimez la belle grosse émotion, là, vous allez vraiment avoir du plaisir. C'est sur tout ce beau. Site. Les photos sont très belles. C'est un homme qui a décidé de prendre des portraits des gens de New York. En fait, on pourrait très bien avoir ça à Montréal ou partout ailleurs dans le monde, mais ce gars-là fait ça à New York. Et il leur pose des questions, n'importe quoi. Par exemple, ce matin, c'est un gars qui raconte en 4 lignes que sa petite fille de 3 ans a appris à débarrer son téléphone, puis son iPhone, puis elle s'amuse à appeler les gens dans sa liste de contacts pour leur dire « Allô! » Mais c'est mignon. J'aime entendre ces histoires-là de gens. Là. Oui, j'aime le quotidien des gens. J'aime entrer dans leur univers puis voir, m'imaginer comment ils vivent. Mais justement, ça met la table pour votre dernier FF. Et il est magnifique, celui-là. On est encore dans le même registre. Hein. On sent vraiment... Il y a beaucoup de journalistes qui ont passé leur vie à faire ça aussi, là, ouais. aller vraiment dans le quotidien comme ça. Ouais. Post Secret, ça, c'est vraiment très cute également. Ah oui, puis quand tu te plonges là-dedans, c'est des gens qui envoient des cartes postales anonymes et ils font des confidences. Et ça peut être très, très, très, très lourd, mm-hmm. comme ça peut être très léger et amusant. Par exemple, il y a une femme qui confie qu'elle aime... quand elle est au lit avec son mari, elle s'imagine qu'elle couche avec... Elle fantasme sur le gars de FedEx, mais son problème à elle, c'est qu'elle fantasme sur le livreur UPS. Alors, bon, ça vient pas vraiment me OK, chercher, et donc elle couche avec son mari. Et ouais. livreur FedEx, mais elle s'imagine qu'elle... Mais parfois, bon. Celle-là, je me retrouve pas vraiment là-dedans, mais ce qui est le fun, parce que des fois, dans les confidences, c'est réconfortant de voir que... Tu penses à des choses que tu n'oses pas dire, mais qu'il y a d'autres personnes qui les pensent. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est... vous êtes sauvés par la cloche, Émilie Folie-Boivin, parce qu'il reste seulement 10 secondes à faire. Ça arrive juste en descendant. Et votre, si vous êtes sur Twitter et vous voulez suivre Émilie, c'est efolieb, @efolieb. On vous lit sur le blog de l'actualité et au devoir. Oui, surtout sur papier et moins sur Twitter. Oui. Ben écoutez, c'est toujours un plaisir de vous lire de toute façon. Merci beaucoup d'être passé ici à l'émission. Ça fait plaisir. C'était bien beau effet. On se disait que vous, Émilie, vous avez déculpabilisé bien des gens ici autour de la table. Et d'ailleurs, notez ça. Si vous voulez voir d'ailleurs, allez prendre, noter ces signets-là, vous allez sur iciradiocanada.ca/la-sphère. Ou encore, devenez membre de notre Facebook. Hein. Allez nous j'aimer sur Facebook. Donc, Facebook/la-sphère. On a plein de petites nouvelles comme ça au cours de la semaine. On est très, très présents. Puis toute l'équipe anime ce site-là. Puis on a ben du fun. Cette semaine, Fabien Lezac, vous vous déguisez en Roland Barthes de l'Oculus Rift. C'est trop gentil de votre part. Non, mais en toute modestie, je n'arrive pas à la chaussette de Roland Barthes. On va dire que c'est votre mythologie. Exactement. Cette semaine de l'Oculus Rift. Rappelez-nous rapidement qu'est-ce que c'est pour les gens qui viendraient de se brancher. C'est vraiment la première expérience qui fonctionne, un casque de réalité virtuelle qui propose vraiment une expérience qui a presque l'air réel. C'est un casque qui stimule l'ouïe, qui stimule la vue et qui arrive à tromper notre cerveau et véritablement à lui faire croire qu'on est ailleurs. Mm-hmm. Ça joue véritablement un tour à notre cerveau. Et à ce sujet, la réalité virtuelle, l'illusion, le simulacre sont des sujets qui ont traversé l'histoire des idées et qui ont aussi alimenté la science-fiction. La question philosophique essentielle que pose l'Oculus Rift, c'est peut-être la suivante. Que se passe-t-il quand nos illusions tiennent lieu de vérité? Et là, on pense tout de suite à l'allégorie de la caverne de Platon. On connaît tous l'histoire. C'est des hommes qui vivent dans une caverne. Ils sont enfermés depuis leur enfance. Ils sont enchaînés. Derrière eux, il y a un feu qu'ils ne peuvent pas voir et qui projette leur propre image sur le mur devant eux. Et il y a des gens qui tiennent des objets et qui passent devant le feu, ceux qui projettent des ombres étranges sur le mur devant ces prisonniers. Alors que voient-ils ces prisonniers? C'est la question de Platon. Voient-ils vraiment la réalité ou une projection de la réalité? Finalement, ils ne voient que des ombres, mais pour eux, c'est la réalité. Et donc, les prisonniers sont un peu comme des individus qui auraient mis l'Oculus Rift. Les ombres qu'ils voient, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des images de synthèse. Mais juste rappeler que Platon a vécu il y a 2500 Bien ans. Bien évidemment. Quel cerveau, exactement. Quand même. Et, mais pour Platon, c'est plus large que ça. Hein. La caverne, c'est notre monde. Hein. Dans notre vie quotidienne, nos illusions tiennent lieu de vérité. Et cette question du simulacre et de la fausse réalité, elle a été creusée aussi par le philosophe allemand Karl Marx. Et Karl Marx lui a donné le nom d'idéologie. Hein, l'idéologie, pour Marx, c'est une fausse vision du monde, une fausse conscience qui est imposée par une classe à une autre, hein, la bourgeoisie sur le prolétariat. Cette fausse conscience, elle sert à justifier l'ordre social et à masquer les rapports de force dans le travail. Alors, on a beaucoup dénigré Marx, mais sa définition de l'idéologie est quand même encore beaucoup d'actualité. C'est quand même l'idéologie aujourd'hui qui nous fait croire que mettre de l'argent dans un paradis fiscal, c'est quelque chose de normal. Mm-hmm. Non, c'est une pratique de dominant. Hein. Mm-hmm. Bon, fin de la parenthèse. Dans les années 60, il y a des intellectuels radicaux que l'on a appelés les situationnistes qui ont poussé cette idée de la fausse réalité à son apogée avec la notion de spectacle. Pour Guy Debord, donc, qui est le père de cette notion, le spectacle, c'est l'idéologie capitaliste qui est devenue tellement omniprésente qu'elle s'est glissée entre les individus et le monde réel. Entre nous et la réalité, il y aurait une espèce de grand voile et toutes nos interactions avec le monde seraient désormais médiatisées par des échanges marchands. Je vous rappelle qu'on parle toujours de réalité virtuelle. Donc, c'est les lunettes Oculus Rift dont... Ce sont les lunettes Oculus Rift dont nous parle Fabien. Et on va retourner un peu sur le plancher des vaches, si vous permettez. L'Oculus Rift, il s'inscrit aussi dans un imaginaire cyberpunk. Qu'est-ce que c'est le cyberpunk? C'est un sous-genre de la science-fiction qui est né dans les années 70, en même temps que la micro-informatique et que les premiers réseaux sociaux. Ça se passe souvent dans un futur dystopique, c'est-à-dire un futur qui est une contre-utopie, ou un milieu de destruction, de pollution, où les frontières entre l'homme et les machines sont de plus en plus floues. Et le grand roman classique du cyberpunk, c'est Le Neuromancien de William Gibson, qui a été publié en 1984. Qu'est-ce qui se passe dans Le Neuromancien? Il y a un héros. Quand même, hein, en 1984. Exactement. Il y a eu Tron 2 ans avant, mais ça, le héros allait dans la machine. Mais là, dans Le Neuromancien, il y a le héros qui connecte directement son cerveau dans le cyberespace. Ah, on connecte les cerveaux, voilà. Ouais. Grâce à des électrodes. Et puis, 8 ans plus tard, en 92, on a eu Snow Crash de Neil Stephenson, qui a été traduit en français par un titre affreux, Le Samouraï Virtuel. Et dans ce livre-là, on a Hiro, qui est un jeune hacker, qui est connecté en permanence au métaverse grâce à un casque qui ressemble, comme deux gouttes d'eau, à l'Oculus Rift. Qu'est-ce que c'est le métaverse? C'est une préfiguration d'Internet. C'est un monde virtuel qui ressemble un peu à Second Life, mais qui a une vraie structure politique à l'intérieur. Et on l'a vu au cinéma aussi, le cinéma de David Cronenberg, un de ses meilleurs films, Existence, tape exactement dans là-dedans. Exactement, avec des amateurs de jeux vidéo qui connectent leur pod à leur colonne vertébrale. Film qui est sorti en 99, donc qui a été éclipsé par la grande allégorie cyberpunk de la caverne. Mm-hmm. C'est Matrice, bien évidemment, ouais. Matrice des frères Wachowski, où les individus vivent dans une fausse réalité. Finalement, ils sont plongés dans le sommeil. Et à ce sujet, la fin de la semaine dernière, Sony a dévoilé son projet de casque de réalité virtuelle. Et vous savez comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé le projet Morpheus. Quand exactement comme le protagoniste dans Matrix. Donc, tout est dans tout. Fabien Barthes Lozac, c'était vraiment passionnant. C'est trop merci. D'honneur, c'est trop d'honneur. Bon, là, on était vraiment en haute altitude avec Fabien Lozac. Et là, ramenez-nous là, sur le plancher des vaches. Vous allez nous parler de trucs, de bonheur, de tapis branchés. Et c'est là-dessus que la sphère va atterrir cette semaine avec Véronique Raymond. Vous commencez avec la mesure du bonheur chez Google. Oui, bien, la semaine dernière, notre collègue François nous a parlé de ces entreprises qui ont commencé à imposer à leurs employés des technologies de mesure de leur satisfaction et de mesure de leur bonheur. Et ça m'a amené à faire de la recherche. Et là, je suis tombée sur Google. Que fait Google pour savoir si leurs employés sont heureux? Eh bien, croyez-le, croyez-le pas, ils ont mis en place un programme sur 100 ans. Un programme de mesure... C'est très Google. C'est très Google. C'est très Google. Voilà, je savais que ça vous intéresserait. Donc, Google a mis en place un système de mesure du bonheur de leurs employés. Présentement, 4000 membres du personnel participent. Mais on est très loin des lunettes Oculus. Alors, ils sont restés dans quelque chose de très traditionnel, un sondage biannuel. Mais ambitieux, c'est incroyable. Et je vous en parle rapidement, mais ce qu'ils essaient de déterminer, ça va jusqu'à comment naissent les idées des employés heureux. Comment faire pour que les employés soient bien et demeurent au sommet de leur performance pendant, par exemple, une période de 10 ans. Et ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on a vu un peu de la même manière dont certains cadres des grosses compagnies branchées de la Silicon Valley envoient leurs enfants dans des écoles pas branchées, oui, avec pas d'iPad et avec pas de tableau blanc intelligent. Ben, on a trouvé que les employés à qui on enlevait leurs appareils quand ils s'en vont chez eux le soir, ben ça les aidait à être plus productifs. Ben en fait, plus productifs, on ne le sait pas encore, mais plus heureux. Plus heureux, ouais, et c'est ça. Et c'est la question que se pose Google. Alors, ils ont fait un projet pilote, c'était le premier constat. 2 employés sur 3 disaient « je ne suis pas capable d'arrêter de penser au travail quand j'arrive chez moi ». Donc, ils ont fait un projet pilote qui s'appelle « Dublin Goes Dark », alors, je ne sais pas, « Dublin dans l'obscurité », ma traduction perso. Et les employés, quand ils sortent du bureau de Google à Dublin, doivent déposer leurs appareils, donc leur téléphone intelligent, leur tablette, leur ordinateur. Tout ce qui est lié au travail doit rester rester là pour éviter la tentation de répondre, après les heures de travail, à des messages liés à leur fonction professionnelle. Là, vous me parlez de ça et je me demande si vous avez les mêmes moites moi, là, oui, en disant vraiment, ça. Oui, vraiment, là, ça m'angoisse tellement comme idée qu'on m'enlèverait mes jouets. Je savais. Je me sens pas bien. Mais bon, ils l'ont fait et les employés ont dit qu'ils avaient beaucoup moins de stress en soirée, beaucoup plus de disponibilité et de bonheur avec leurs proches. Ceci dit, on ne sait pas si ça va améliorer la productivité. Hein. C'est le genre de question que se pose Google. Donc, une grande étude qui s'étend, rappelons-le, sur 100 ans. Sur 100 ans. 100 ans, faut le dire. Rien de moins. On termine avec le tapis branché. Tout est intelligent maintenant, même le tapis. Oui, l'Internet des objets est vraiment partout. Et cette semaine, on a vu apparaître sur Kickstarter une campagne pour financer le tapis d'entrée branché. Et je ne pouvais pas ne pas vous en parler parce que, vous le savez, j'aime les gadgets qui permettent de contrôler la maison à distance. Oui. J'ai un thermostat. Vous êtes très domotique. Oui, je suis très domotique. Mais là, le tapis d'entrée branché. À quoi ça peut bien servir, un tapis d'entrée branché? Voilà. Ben, à prime abord, ce que ça détecte, c'est le poids, la pression ou le poids qu'il y a sur le tapis. Donc, premier usage anticipé, votre chien veut sortir. Alors, il s'assoit sur le tapis et vous recevez un petit texto qui dit « Fido veut sortir ». Fido veut rentrer. Ouais. Oui, voilà. Alors, c'est le premier usage qui est proposé. C'est très, très utile. Mais de façon plus sérieuse, ça pourrait servir à surveiller les mouvements d'entrée et de sortie dans la maison. Par exemple, une personne qui est atteinte de l'Alzheimer, qui habite dans sa maison encore toute seule ou avec un conjoint, on sait que ça arrive souvent qu'il y ait des situations de fuite, de fugue, en fait. Et donc, ce serait une manière de mesurer le déplacement de la personne. Parce qu'évidemment, le tapis, on peut lui dire, ben, cette personne-là a un poids de exactement. X, L, alors, on peut déterminer Y, pour chacun des membres de la famille le poids. Ça permettrait aussi de surveiller les enfants, les entrées et sorties des enfants de façon automatisée. Si tu sors, si tu veux déjouer le tapis, tu sors avec, dessus. Tu manges un gros gâteau avant de partir, puis il ne te reconnaît pas. Tu passes avec une boîte, enfin. Mais de façon beaucoup plus amusante, et c'est l'usage, je pense, que nos auditeurs voudront en faire, c'est qu'on nous propose de mettre le tapis sous le coussin du sofa, et il peut être branché directement à la télévision et allumer la télévision chaque fois que vous vous asseyez sur votre sofa. Et avec votre canal favori, présélectionné et tout ça. Bien sûr. Mais alors, ça s'appelle un Smart Mat, et si ça vous intéresse, c'est présent. Martin a l'air vraiment très intéressé. On est déjà assez dérangé comme ça. C'est en plus nos sofas, nos tapis nous appellent. Mais c'est le futur est beau. C'est, les lendemains qui chantent, les tapis branchés, tout est branché, tout le monde est heureux. Bon, ça sera à suivre. Peut-être que dans deux semaines, on va vous dire que la compagnie était vendue pour 4 milliards à Google. T'sais, ça va être... on met tout un petit deux là-dessus? Non? Non? Personne? Bon, ben je vais le mettre, moi. Merci beaucoup, Véronique Raymond. Merci à tous les invités qui étaient là aujourd'hui. Vous étiez tous très passionnants. On se retrouve sur les réseaux sociaux ou encore ici même, samedi prochain, 13h. Bye-bye.